revient tard. Pars vite et reviens tard. Pars vite. Revient tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Marvin. Et revient tard. Pars vite. Sixième épisode. Après le meurtre d'un homme dans l'un des immeubles marqués de 4 inversés, la police a lancé un appel à la population. À la brigade, les téléphones sont pris d'assaut. Danglars s'affole depuis qu'il s'est fait piquer par des puces chez la victime. Il prend très au sérieux le risque d'une infection pesteuse. Adamsberg, qui n'y croit pas, a rencontré Marc Van Dusseler, un médiéviste amateur mais incollable. Van Dusseler a aussitôt identifié le tueur comme un semeur de peste. Il a également fait au commissaire deux révélations importantes. D'une part, l'assassin aurait commis une grossière erreur en noircissant le corps de sa victime. D'autre part, les lettres C, L, T ne sont pas les initiales du tueur, mais l'abréviation de la formule latine de protection contre la peste. Sitôt, longué, tardé. Pars vite et reviens tard. Vous avez reçu les résultats du labo ? Oui, ce matin. Les annonces ne portent que les empreintes du crieur et de Cambrai. Ah. Mais... Et pour les puces ? Les puces ? J'ai encore rien reçu à leur sujet, pourquoi ? Vous inquiétez de leur santé, Danglars ? Faites-moi voir ce fax. Cela m'aurait étonné que le semeur se laisse aller à poser ses doigts n'importe où. Mais pourquoi se paye-t-il des enveloppes pareilles ? Une question de cérémonial. Il ne va pas présenter ses messages dans une enveloppe prolétarienne. Il veut le sertir dans des écrins de luxe. Parce que ce sont des actes hautement raffinés. Vous comprenez ? Empreinte de Le Guerne et de Ducouédic. 2 dollars. Oui, mais pour des séjours de courte durée, 9 et 6 mois. Et qui laisse tout le temps de se faire des relations utiles. Quel chef d'inculpation ? Pour Le Guerne, coups et blessures, avec intention de donner la mort. Pas mal. Pourquoi il n'a pas tiré plus ? Circonstances atténuantes. L'armateur qui l'a démoli avait laissé pourrir son chalutier et le bateau a fini par couler. 2 marins sont morts noyés. Le Guerne a débarqué de l'hélico de sauvetage en furie et s'est jeté sur lui. L'armateur a écopé ? Non. Ni lui, ni les types de la capitainerie qui l'ont couvert. La patte graissée, selon la déposition de Joss Le Guerne à l'époque. Ils se sont donné le mot d'armateur en armateur et ils l'ont fusillé dans tous les ports de Bretagne. Le Guerne n'a plus jamais trouvé de commandement. Il y a 13 ans, il a débarqué sur le grand parvis de Montparnasse avec tout à refaire. Il a de sérieuses raisons d'en vouloir à la terre entière ? Vous ne croyez pas ? Si. Et en plus, il est colérique et rancunier. Mais Régis Lorion n'avait jamais foutu les pieds dans une capitainerie, me semble-t-il. Il choisit peut-être des victimes de substitution. Ça s'est vu. Le Guerne est quand même le mieux placé pour s'envoyer des messages à lui-même, non ? D'ailleurs, depuis qu'on planque sur la place et que Le Guerne en a été informé, il n'y a plus de spécial. Il n'était pas le seul à savoir que les flics étaient là, au Viking, à 9h du soir. Tout le monde les avait reniflés. Si le tueur n'est pas du quartier, comment l'aurait-il appris ? Et il avait tué. Il se doutait bien que les flics étaient sur les dents. On surveille pour rien, en fin de compte. On surveille pour le principe. Et pour autre chose. Et de Cambrai Ducouédic, pourquoi il a plongé ? Pour tentative de viol sur mineur dans l'établissement où il enseignait. Toute la presse de l'époque lui est tombée dessus. À 52 ans, il a failli être lynché dans la rue. Il lui a fallu une protection policière jusqu'au procès. Je me souviens. Une gamine agressée dans les toilettes, on ne croirait pas en le voyant, hein ? Rappelez-vous sa défense, Danglars. 3 élèves de seconde s'étaient jetés sur une gosse de 12 ans, à l'heure déserte de la cantine. Ducouédic aurait frappé les gars et attrapé la petite pour la sortir de là. La gamine était à moitié nue et hurlait dans ses bras, dans le couloir. C'est ça que les autres gosses ont vu. Les 3 gars ont donné une version des faits inverse. Ducouédic violait la petite, ils sont intervenus, il les a cognés. La parole de l'un contre celle des autres. du coup Edith est tombé. Sa femme l'a plaqué aussi sec et ses collègues se sont éloignés, dans le doute. Le doute fait le vide d'Anglard, et le doute demeure. C'est pour cela qu'il se fait appeler De Cambrai. C'est un type qui a terminé sa vie à 52 ans. Quel âge auraient ces trois gars aujourd'hui? 32, 33 ans? L'âge de Lorient? Lorient était collégien à Périgueux, du coup Edith enseignait à Vannes. Il peut prendre des victimes de substitution. Encore? Et alors? Vous n'en connaissez pas, vous, des vieux qui abominent toute une génération? J'en connais trop. Faut creuser sur ces deux types. De Cambrai est parfaitement placé pour glisser ses messages dans l'urne. Et plus encore pour les écrire. C'est tout de même lui qui a réussi à en percer le sens. Sur un petit mot arabe qu'il a mis sur la piste du Liber Canonis d'Avicenne. Très fort, non? De toute façon, on est obligé de creuser. Et je pense que le tueur assiste à la criée. Qu'il vient s'écouter. C'est pour ça qu'on ne relâche pas la surveillance de la place. Il a démarré de là parce qu'il connaissait l'urne de près. Cette criée nous paraît peut-être saugrenue à nous, mais pour lui, c'était un véhicule évident des nouvelles, comme pour tous ceux du quartier. Ce serait plutôt risqué de la part de CLT de venir sur la place. Sans doute, mais je suis persuadé qu'il est là, dans la foule. Ah, au fait, laissez tomber ces initiales. Pardon ? C'est l'électuaire des trois adverbes. L'électuaire des... Sitôt longuet tardé. Casse-toi au diable et pour un bail. Merde. La formule magique contre la peste. Allô ? Lui-même. Ah, très bien. Gardez-les précieusement. Eh ben, vous pouvez être rassuré, Danglars. Vos puces ne portaient pas le bacille. Ni celle de l'enveloppe, ni les 12 qu'on a ratissées chez Lorient. Tout indemne. Propre comme un sou neuf. Oui, très bien. Je vais prévenir De Villard et le médecin légiste. Et moi, Van Dossler. Qui? Le médiéviste. Ah, la tornade. Commissaire. Quoi? Deux corps viennent d'être retrouvés sur le trottoir, dans le 12e arrondissement. L'un rue de Rotembourg et l'autre pas loin de là, sur le boulevard Soult. Étendu à poil sur le macadam et couvert de charbon de bois. Deux hommes. Jérôme Millard, 31 ans, père de famille, résident rue Poulet. Et François Clair, 36 ans, vivant en couple, avenue de Tourville. Deux immeubles marqués de 4, à l'exception de leurs portes. Pourquoi n'ont-ils pas été surveillés? Il l'était, commissaire. Mais les deux brigadiers qui montaient la garde devant l'appartement de Villard l'ont vu sortir à 20h30. Il devait aller à un rendez-vous. Et Claire est sortie de chez lui vers 10h du soir, soi-disant, pour aller se balader. Il a dit aux agents que ça allait tout faire, tous ces flics derrière sa porte. Le tueur les a tout bonnement attirés dehors pour contourner l'obstacle. Vous êtes fait avoir comme des bleus. Commissaire Adamsberg, comment allez-vous depuis la dernière fois? Bonjour, docteur. J'ai juste la tête un peu plus lourde. Des tas de données qui n'arrivent pas à se raccorder entre elles. Si vous pouviez m'aider à faire un peu de ménage là-dedans, ça m'arrangerait. Hélas, je crains que ça ne soit pas tout à fait mon domaine. Mais je vous en prie, entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Mort par strangulation, tous les deux? À une heure d'intervalle. Le point d'impact est assez net sur la nuque. Le tueur utilise un lacet solide, peut-être une sorte de collet coulissant. Ça ne demande pas beaucoup de force. D'ailleurs, il a amélioré sa technique depuis la dernière fois. Les deux victimes ont reçu une bonne bouffée de lacrymogène avant d'être étranglées. Tant qu'ils réagissent, l'assassin avait fini le boulot. C'est du rapide et du sûr. Vous vous souvenez si Lorient avait des piqûres sur le corps? Des piqûres d'insectes? Bon sang, je ne l'ai pas signalé dans le rapport sur le coup. Ça m'a paru insignifiant. Il avait des boutons de puce assez frais à l'aine. Viard en présente également sur l'intérieur de la cuisse droite et au cou. Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner le dernier. Est-ce que des puces peuvent piquer un mort? Non, en aucune façon. Elles le quittent dès les premiers signes de refroidissement. Merci, docteur. Vérifiez quand même l'absence du bacille, comme pour Lorient. On ne sait jamais. Oui. Bon. Au moins maintenant, on a un point commun. Les trois victimes sont des hommes et ils ont tous passé la trentaine. C'est parce qu'on peut espérer de mieux en matière de dénominateur commun. Pour le reste, Viard était ingénieur en informatique, marié à une avocate. Un parfait produit des bons quartiers. Quant à François Clair, il était livreur pour le compte d'un marchand de vin. Le tueur n'a pas déposé ses puces au même moment qu'il a tué Danglars. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les puces ont eu le temps de piquer Viard. Ça veut dire qu'il s'est écoulé du temps entre l'introduction des puces et le meurtre. Vous croyez qu'il serait assez fou pour glisser d'abord son enveloppe sous la porte de ses victimes, puis aller faire un petit tour à la fraîche avant de revenir étrangler les types et les passer au charbon? En tout cas, il travaille en deux temps. Un, les puces. Deux, le meurtre. Sans parler des quatre et des annonces préparatoires. T'as fait beaucoup trop de paramètres. Ou ce type a une cervelle d'ordinateur, ou il est bien trop détraqué pour qu'on puisse comprendre sa logique. Pourtant, il va bien falloir qu'on arrive à rentrer dans son logiciel, même détraqué. Je vais aller faire un tour du côté de la place Edgar Quinet. Vous allez assister à la criée? C'est pas encore l'heure. Mais parfois, ça fait du bien de seulement un peu humer la marée. Ça éveille les sens. Méfiez-vous du calva du Normand. Il est très singulier. Il vous ôte les idées en un tour de main. Je n'ai plus d'idées, Danglars. Je suis paumé. Je ne sens plus rien. Si, vous sentez forcément au moins un truc. Juste un truc. Quoi? Je sais qu'il est là-bas, sur cette place. J'allais vous appeler, commissaire. Il n'y en avait pas hier, mais il y a une spéciale aujourd'hui. Ah, on a vu personne la déposer dans l'urne. Elle est arrivée par courrier. Il a changé de méthode, il ne prend plus le risque de venir lui-même. À quelle adresse? À Josse-le-Guerne, ici même. Il connaîtrait le nom du crieur. Oh, beaucoup de gens le connaissent, vous savez. Le bruit court soudain, bien vite confirmé que la peste venait d'éclater en ville dans deux rues à la fois. On disait que les deux, trois petits points, avaient été trouvés avec tous les signes du mal. Le Guerne l'a lu? Oui, ce matin, vous lui aviez dit de continuer. Les textes sont plus explicites maintenant que le gars est entré en action. Comment le public a réagi? Il y a eu quelques remous, des interrogations et beaucoup de discussions au Viking. Je crois qu'il y avait un journaliste, il posait des quantités de questions à Joss et aux autres. Je ne sais pas d'où il sortait. De la rumeur de Cambrai, ça devait arriver. Et si ça se trouve, le semeur a lui-même envoyé une déclaration à la presse, histoire d'activer la tempête. C'est bien possible. L'enveloppe a été postée hier, dans le premier arrondissement. Deux morts annoncées. C'est fait. Vous entendrez cela ce soir, à la télévision. Deux hommes jetés sur le trottoir, comme des sacs. Nus et passés au noir. Deux d'un coup. À votre avis, de Cambrai, les corps des pestiférés sont-ils noirs? Je ne suis pas spécialiste de la question, commissaire. Et surtout pas d'histoire de la médecine. C'est pourquoi j'ai entraîné à identifier les spéciales. Mais je peux vous assurer que les médecins de l'époque ne mentionnent jamais cet aspect. Des taches, des bubons, des bosses, oui, mais pas cette couleur noire. Elle a dû s'ancrer dans l'imaginaire collectif après coup. Je trouve que vous n'êtes pas mauvais pour un non-spécialiste. Quoi qu'il en soit, on appelle bien la peste la mort noire. Et le tueur est malin. Il veut impressionner. Frapper les esprits avec des idées fortes, qu'elles soient vraies ou fausses. Ce sont des termes qui sèment l'effroi, qui cognent comme un coup de canon. Mmh. Ouais. Ou de tonnerre. Après les dérèglements des saisons à leur qualité, tant qu'ils m'en souviennent. Comme quand l'hiver est chaud au lieu d'être froid. Le 17 août, les frères de faux bruits précèdent le mal, et ainsi du printemps. Pour cette grande inégalité entre une mauvaise constitution, la peste est entrée dans la ville. Se déplace comme des ombres sur un mur, que sa volonté soit faite. Que beaucoup se déplacent comme des ombres sur un mur. Quand on remarque chez les hommes un grand manque de confiance et pitié de nous. Triste spectacle. Le 14 septembre, puis on est servant, chauve-souris, blaireau. La peste est entrée dans la ville. Les animaux qui vivent dans la profondeur des galeries souterraines. Il est 20h, bonsoir, bienvenue. L'actualité ce soir, c'est d'abord la mort de trois hommes à Paris dans des circonstances similaires et pour le moins alarmantes, des taches noires. Tu vas se dîner ici, Attends. Les trois victimes habitaient toutes des immeubles présentant ces chiffres 4 peints à l'envers sur les portes, chiffres dont nous vous avions déjà parlé avant-hier. Le sens de ces chiffres sur lesquels la police n'avait pas alors souhaité s'expliquer est à présent connu. Et ce, grâce à de courts messages de leur auteur postés sur Internet. Ces communiqués anonymes sont à prendre avec beaucoup de précautions. Rien n'en assure encore l'authenticité. Leur auteur affirme cependant la mort par la peste des trois hommes. Il assure, par ailleurs, avoir depuis longtemps mis en garde la population de la capitale contre le fléau par des annonces publiques répétées. Annonce faite sur le carrefour Edgar Quinet dans le 14e arrondissement de Paris. Alors c'est lui le fameux calligraphe. Oui. Il s'est converti du latin à Twitter sans même passer par la case AFP. Ça fait peut-être 3-4 ans hein, qu'il vient crier les annonces ici. Hein. Et puis, pour avoir des légumes frais, bah, je peux vous assurer que c'est bien pratique. Bah, c'est vrai qu'il y avait des messages un peu bizarres depuis quelques temps. Mais bah, comme tout le monde écrit ce qu'il veut, et puis les fous, ça court la rue. Donc, Toutes les personnes menacées par le déséquilibré sont protégées jour et nuit par les forces de police. Commissaire Brésillon, confirmez-vous que ces hommes sont morts de la peste? Cette rumeur de peste est une pure invention. Les taches noires constatées sur les corps des victimes ont été faites au charbon de bois. La peste, cette vieille maladie qui a décimé l'Europe pendant des siècles, n'a pas, contrairement à ce qu'on pouvait croire, totalement disparu. Des cas sont encore recensés chaque année, en Asie et en Afrique notamment. En France, la dernière peste remonte à moins de 100 ans, en 1920. Reportage Frédéric Aurousse-Douaneau. Tu savais ça ? Paris non. A effacé de sa mémoire l'histoire de la dernière peste. Pourtant, l'ultime épidémie qui a frappé la capitale ne remonte qu'à l'année 1920. Partie de Chine en 1894, la troisième pandémie pesteuse dévasta les Indes en y causant la mort de 12 millions de personnes avant d'atteindre l'Europe occidentale dans tous ses ports. Elle arriva enfin à Paris par le biais d'une péniche venue du Havre et qui avait vidé ses caves sur les berges de Levallois. La maladie déclina en quelques années. Elle toucha cependant 96 personnes, principalement dans les banlieues nord et est de la ville. Parmi les populations de chiffonniers qui logeaient dans des baraquements insalubres. La contagion se glissa même intramuros et fit une vingtaine de victimes au cœur de la ville. Durant tout le temps que dura cette épidémie, le gouvernement français refusa de reconnaître qu'il s'agissait de la peste et ne parla que d'une mystérieuse maladie numéro 9. Il y a la peste ? Mais t'as pas entendu ? Ils sont pas morts de peste, les gars. Ils ont été étranglés. Faut suivre, Maribel. Et qui nous dit qu'il n'est pas en train de nous embobiner, lui aussi, le gros de la préfecture ? Tu crois vraiment que s'il y a la peste en ville, ils vont nous le dire comme ça aux infos ? Lisbeth, tu crois qu'ils nous balancent tout ce qu'ils savent ? C'est comme ce qu'ils foutent dans le maïs ou dans les lasagnes. Ils savent, mais ils n'en parlent qu'à demi-mot. Et pendant ce temps-là, nous, on le bouffe, leur maïs. Ah non, moi, j'en bouffe pas. Mais forcément, t'aimes pas ça. Tu vas voir qu'avec toutes leurs expériences à la con, ils ont encore fait une grosse bourde et qu'ils ont lâché le virus dans la nature. Ah, c'est comme pour les algues vertes. Tu sais d'où elles viennent, les algues vertes ? Ouais, même les sangliers, ils en crèvent. Ah. Les sangliers ? Bah oui, parce qu'ils bouffent les algues. Non, mais trois morts, tu te rends compte ? Comment ils vont stopper ça, maintenant ? Ça, je te garantis qu'ils le savent pas eux-mêmes. Mais enfin, ces hommes ont été étranglés. Parce qu'ils n'avaient pas les quatre. Ils n'étaient pas protégés. Et ils l'ont bien expliqué, ça, à la télé, non ? J'ai quand même pas rêvé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, si c'est ça, c'est pas un truc qui s'est échappé. C'est un type qui l'envoie. Si, c'est un truc qui s'est échappé. Mais il y a un type qui essaye de prévenir les gens et de les protéger. Il fait ce qu'il peut, lui. Et pourquoi il a oublié des gens, alors ? Pourquoi il a peint seulement quelques immeubles ? Et il est pas Dieu, le gars. Il a pas quatre mains non plus. T'as qu'à les faire toi-même, les quatre, si t'as la trouille. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Ben, laissez tomber, Lisbeth. Ils sont en train de devenir fous. Il faut espérer que la nuit les calmera. Sonnez le rappel des locataires, on va servir le dîner. Adamsberg. Commissaire, ça chauffe ici. Les gens perdent la tête. Je veux bien le croire. Qui sème l'audience récolte la panique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Répétez encore et encore que les trois hommes ont été assassinés. Qui dit quoi autour de vous ? Lisbeth en a bu d'autres et garde la tête froide. Le garde s'en fout un peu. Il veut juste défendre son gagne-pain. Bertha me paraît assez ébranlé. Damas ne comprend rien. Et Maribel a ses nerfs. Le reste prend la tournure attendue, on nous cache tout, on nous dit rien et les saisons sont déréglées, comme quand l'hiver est chaud au lieu d'être froid, l'été frais au lieu d'être chaud, et ainsi du printemps et de l'automne. Vous allez avoir du pain sur la planche, conseiller. Vous aussi, commissaire. Dites, de Cambrai, vous étiez au courant pour cette peste de 1920 ? Il ne serait pas en train de confondre avec la grippe espagnole, par hasard ? Je crains que non. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de maladie numéro 9 ? Si j'ai bonne mémoire, c'est le service des épidémies de la préfecture de police qui avait décidé à l'époque de garder la nouvelle secrète. Ils avaient inventé cet euphémisme comme un nom de code pour ne pas effrayer la population. Comment vous comptez vous y prendre maintenant ? Je compte d'abord aller dormir, de Cambrai. Alors ? Eh bien, c'est vrai. La police a intentionnellement caché la dernière épidémie de peste à la population. Impossible de démentir. Après les portes numéro 4, la maladie numéro 9, c'est peut-être tout simplement un amoureux des chiffres, ton meurtrier. Et moi, j'ai 3 morts sur les bras et 27 hommes qui sont en ce moment même en train de patrouiller dans les rues ou sur les claviers à la recherche du fil d'Ariane. J'ai plus rien dans le frigo. Si tu veux manger, je peux descendre acheter quelque chose chez le chinois. Ils font de très bonnes nouilles. Je veux pas manger. Qu'est-ce que tu veux alors ? Jean-Baptiste. Toi. Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Pars vite et reviens tard. Est paru aux éditions Viviane Ami. 6e épisode. Avec Marina Golovine. Jean-Quentin Châtelain. Serge Ranco. Claude Aufort. Philippe Duquesne. Julien Lucas. Patrice Bornand. Judith Chemla. Rislaine Elcohen. Émeline Bayard, Philippe Jourde, Jean-Christophe Frech, Vincent Nemeth, Christian Cloarec, John Arnold, Maud Le Grévelec, Morgane Hénaud, Henri Alexandre, Paul Brévim, François Perrache, Laurence Macaire. Et les voix de Alexandre Boras, Pierrick Tardieu, Étienne Grebeau, Raresh Yenazouaï, Pauline Ziadé, Claire Rapin, Elodie Fiat, Patrick Mandon, Henri Alexandre, Romain Lemire, Brigitte Fromont, Marie-Pierre Chay, Nicky Marbeau, Claire Latreille, Thierry Garret, Lisbeth Arasi-Mornay et Sylvie Bobette-Lévesque. Pars vite, reviens. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Cédric Ossier.